La chance par Paul Marguerite. Oh, mes chéris, que je suis contente. Mais par où commence cette lettre? Tout se brouille dans ma tête. Le chemin de fer et la mauvaise nuit dans ce wagon de troisième classe qui sentait l'étable. L'arrivée à Paris par une aube lugubre. L'hôtel miteux où l'on m'a donné un petit cabinet noir ouvrant sur une courette sans air. Enfin et surtout, l'affreux dépaysement loin de vous toutes et de notre pauvre vert logis. Votre grande sœur a eu, ce n'est pas bien courageux, un moment de désespoir. Oui, mes sœurs chéries, oui, ma Lucienne, oui, Arlette, oui, toi, ma grosse joufle, et toi, poupée, ma mignonne, et bébé loup, qui ne peut encore me comprendre. Si vous m'aviez vue seule dans cette chambrette aux meubles boiteux, assise sur ma petite malle, dans mes pauvres vêtements de deuil, et pleurant toutes les larmes de mon corps, vous auriez eu pitié de votre grande. Mais quoi, cela n'avançait pas mes affaires. Il faut que nous sortions de ce provisoire, où la faillite de père et la mort de maman nous laissent depuis un an presque sans ressources. Tonton Lavergne est le meilleur des tuteurs, mais il n'est pas riche, et il fait un très grand sacrifice en employant Arlette dans ses bureaux et en payant votre pension aux joufles et poupées, puisque bébé loup reste à la ferme, où notre vieille Marie-Thérèse la soignera bien. Pour toi, ma vieille Lucienne, tes leçons de piano ne te mèneront pas loin. Il faut donc que je me débrouille vite. Et je me suis débrouillé. Ne voulant pas perdre une minute, je me suis fait renseigner par la dame du bureau, une grosse dame curieuse, sur les omnibus et métros à prendre, et bravement, la provinciale que je suis, s'est lancée dans ce grand Paris effrayant où l'on se sent perdu dans un désert d'être. Ma première visite, naturellement, a été pour le commandant Bache et sa femme, des amis ceux-là, sur qui l'on peut compter. Pas de chance, parti pour le midi jusqu'à la fin du mois. De là, chez Madame Sirpollet, la mère du banquier. Elle avait été si aimable pour moi, la mère, il y a 2 ans, tu te rappelles, Lucienne? Oui, eh bien, j'ai dû parlementer. Elle s'est fait prier pour me recevoir, et à peine si elle a daigné me reconnaître. Ma robe noire défraîchie, ça passe si vite le noir. Mes gants d'étain, pourtant je venais de les frotter avec de la crème de chaussure, ont produit une déplorable impression. Elle m'a éconduit avec des promesses si vagues que j'en avais dans l'escalier, le cœur gros à éclater. Bon, ce n'est pas tout ça. Joufle, tu dors, non? Alors c'est poupée qui ne m'écoute pas, si, je continue. Je tire de mon réticule mes lettres de recommandation, mais il est midi. On ne peut pas déranger les gens à cette heure-là. Déjeunons dans une crèmerie. Une tasse de lait qui ne ressemble pas à celui de la ferme. Heureusement pour bébé loup. Et un petit pain. Puis, promenade hygiénique aux Tuileries à contempler le bassin, le gardien mélancolique et un ouvrier qui déjeune avec sa femme sur un banc de saucissons et de fromage. En route, chez le docteur Lanavol, le plus répandu des médecins chers. Un virtuose du bistouri et de la fourchette, car il dîne tous les soirs en ville. S'il voulait me recommander à un de ses nombreux clients ou clientes, là, 20 personnes, 1h3 quarts d'attente. Un homme empressé qui se fige qu'au lieu de lui soumettre une maladie, je lui expose notre demi-misère. Regard à la pendule, regret poli. Je comprends, je lui vole son temps. Des pièces d'or sur la cheminée semblent me dire « Eh bien, vous ne mettez rien ?» Je balbutie et je me sauve. Et 2, 3. Je ne me décourage pas. Et avait sonné à la porte de la comtesse de Lachaume, une vieille dame très conservée pour ses 75 ans, entourée de fox-terriers, qui mène un tapage infernal. Et savez-vous ce qu'elle me propose? Une place de 3e femme de chambre, 40 francs par mois, et je fournirai mes collets poignets blancs, ainsi que mes tabliers festonnés. Grand merci, madame. Et 2, 4. Je te vois d'ici, Arlette, tu te serais découragée. Tu n'as pas encore l'énergie de Lucienne, ni de ta grande. Je me décide à aller chez M. Luzor, notre nouveau député. Il vient justement de rentrer de la chambre, me dit d'un ton supérieur, quoique affable, le concierge, fonctionnaire cravaté de blanc et un habit bleu barbeau, qui occupe une loge. Non, un salon Louis XV avec meubles de style. Il m'offre l'ascenseur. Je préfère grimper. Comme c'est haut, ces escaliers somptueux. Il a bien dit le 4e. Suis-je au 4e ou au 3e? Bon, c'est ici, timbre électrique. Un vieux domestique en habit, l'air paterne, et qui doit être un peu sourd, me fait entrer avec empressement. 5 minutes après, on m'introduit dans un vaste cabinet de travail tendu de tapisseries et de meubles Renaissance. Derrière son grand bureau, un monsieur grisonnant, l'air sévère mais bon, dépose, sans même la regarder, ma lettre d'introduction. « Je vous écoute, mademoiselle. » Éprise d'une soudaine confiance, « ça ne s'explique pas, ces choses-là. Je parle, je raconte tout. La faillite de père, la maladie de maman, la vente du verre logis et de nos meubles, les leçons de piano de Lucienne, la dactylo d'Arlette, secrétaire chez Tonton Lavergne, joufle les poupées au cours des demoiselles Muscarin, et bébé loup dans la ferme de Marie-Thérèse. Et ma volonté de gagner de l'argent pour nous toutes et de travailler n'importe comment. » Il m'écoutait, un peu étonné, mais attentif. Et quand j'eus fini, « Mon enfant, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous adresser à moi ?»« Mais, monsieur, cette lettre de recommandation ?» Il la prend, lit la suscription et souriant. « Mademoiselle, vous vous êtes trompé d'étage. Monsieur Luzot habite au 4e. Je ne suis moi que monsieur du Parsavin, un vieux savant de l'Institut. » Alors je perds la tête. Les larmes me montent aux yeux. Navré d'avoir tant parlé pour rien, je m'excuse et veux me lever, il me retient. « Ne vous désolez pas, nous allons arranger cela. Votre histoire m'a vivement intéressé. Mon ami le marquis d'Attray, vieil original millionnaire, est en train de classer pour la 11e fois sa bibliothèque. Il lui faut un secrétaire. Ma femme va vous conduire chez lui. Souffrez que j'aille la mettre au courant. » 5 minutes après, Madame du Parsavin, grande et belle femme aux cheveux encore noirs, se mettait avec bienveillance à ma disposition. L'auto était prête. Une gêne, pourtant, les retenait. Monsieur du Parsavin se décida. « Mon enfant, ma femme m'a fait part d'une réflexion que je juge sensée. Excusez, mon vieil ami, et ne vous offensez pas. Il a horreur du noir et de la tristesse, et aussi de ce qui rappelle les soucis quotidiens de l'existence. Vous allez consentir, puisqu'aussi bien vous avez dépassé la limite de votre grand deuil, à quitter ces vêtements. Et à revêtir pour aujourd'hui ceux de notre fille. Oh, très simple. Mais, comment dirais-je ? » Il eut un air malicieux. Plus à la mode et moins austère. Plus tard, vous révélerez au marquis l'innocente supercherie que je vous impose, et il en rira le premier. Oui, je sens bien. Mais un peu de courage. Paris vaut bien une messe, disait Henri IV. J'ai consenti. Qu'auriez-vous fait, vous autres ? Quelques instants après, nous roulions dans l'auto moelleuse. Un quart d'heure après, Madame du Parsavin avait si bien parlé que j'avais la place. Je l'ai. Ouvrez de grands yeux, jouffle les poupées. Réjouissez-vous, Lucienne et Arlette. J'entre demain en fonction. Sous-bibliothécaire archiviste et 6 000 francs de traitement par an. Et on ira à la Providence. Ah, mes chéris, de quel cœur je vous embrasse. Votre grande Amélie. C'était « La chance » par Paul Marguerite.